Saddam Hussein sort de ce corps. Wow. deviner la note. C'est quoi ma note? C'est un fa dièse. Jouez-moi un mi. Mi. Mi. Ah, voilà la musique qui arrive. On peut pas enregistrer là. Pourquoi ça fait ça? Vraiment pas d'enfoiré ça. Quoi d'accord? électronique de Smooth. Jean-Pierre est parti. Oh non, il y avait Jean-Pierre, le roi du synthé. fille dans ton vibro qui tu fais bruit la lucerne. Alors je vais répéter les paroles de Master Tag. Y'a du pile dans ton vibro qui te fait vibrer la lucerne. Ridicule. Saddam Hussein qui revient. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Capture d'écran pour Master Track, pour son langage grossier. Une petite capture d'écran, Bilos. Thank you.